Bonjour à tous, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jeudi 27 février 2020. Le comité d'organisation de la course féminine de la Victoire ne ménagera aucun effort pour réunir toutes les conditions de réussite de la 13e édition de cette course, qui soutiendra le 15 mars sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mantis, a assuré la présidente de l'association Femmes, Réalisation et Valeurs, Neza Bidouen. Le ministère de la Santé affirme que 17 cas suspects de coronavirus ont été détectés jusqu'à présent au Maroc, mais les analyses de laboratoire effectuées se sont révélées négatives. En réaction aux fausses rumeurs véhiculées par certains sites électroniques, le ministère de la Santé assure qu'aucun cas de coronavirus n'a été enregistré pour l'instant au Maroc.